Histoire d'un chien de Guy de Maupassant, publié dans Le Gaulois le 2 juin 1881. Toute la presse a répondu dernièrement à l'appel de la Société protectrice des animaux qui veut fonder un asile pour les bêtes. Ce serait là une espèce d'hospice et un refuge où les pauvres chiens sans maître trouveraient la nourriture et l'abri au lieu du nœud coulant que la réserve l'administration. Les journaux, à ce propos, ont rappelé la fidélité des bêtes, leur intelligence, leur dévouement. Ils ont cité des traits de sagacité étonnante. Je veux à mon tour raconter l'histoire d'un chien perdu, mais d'un chien du commun, laid, d'allure vulgaire. Cette histoire toute simple est vraie de tout point. Dans la banlieue de Paris, sur les bords de la Seine, vit une famille de bourgeois riches. Ils ont un hôtel élégant, grand jardin, chevaux et voitures et de nombreux domestiques. Le cocher s'appelle François. C'est un gars de la campagne, à moitié dégourdi seulement, un peu lourdeau, épais, obtus et bon garçon. Comme il rentrait un soir chez ses maîtres, un chien se mit à le suivre. Il n'y prit point garde d'abord, mais l'obstination de la bête à marcher sur ses talons le fit bientôt se retourner. Il regarda s'il connaissait ce chien, mais non, il ne l'avait jamais vu. C'était une chienne d'une maigreur affreuse, avec de grandes mamelles pendantes. Elle trottinait derrière l'homme d'un air lamentable et affamé, la queue serrée entre les pattes, les oreilles collées contre la tête. Et quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait, repartant quand il repartait. Il voulut chasser ce squelette de bête et cria « Va-t'en, veux-tu te sauver ? Où ? Où ?» Elle s'éloigna de 2 ou 3 pas et se planta sur son derrière, attendant. Puis, dès que le cocher se remit en marche, elle repartit derrière lui. Il fit semblant de ramasser des pierres. L'animal s'enfuit un peu plus loin, avec un grand ballottement de ses mamelles flasques. Mais il revint aussitôt que l'homme eut le dos tourné. Alors le cocher François l'appela. La chienne s'approcha timidement, l'échine pliée comme un cercle et toutes les côtes soulevant la peau. Il caressa ses os saillants et prit de pitié pour cette misère de bête. « Allons, viens, » dit-il. Aussitôt elle remua la queue, se sentant accueillie, adoptée, et au lieu de rester dans les mollets du maître qu'elle avait choisi, elle commença à courir devant lui. Il l'installa sur la paille de l'écurie, puis courut à la cuisine chercher du pain. Quand elle eut mangé tout son sou, elle s'endormit, couchée en rond. Le lendemain, les maîtres, avertis par le cocher, permirent qu'il gardât l'animal. Cependant, la présence de cette bête dans la maison devint bientôt une cause d'ennui incessant. Elle était assurément la plus dévergondée des chiennes, et d'un bout à l'autre de l'année, les prétendants à 4 pattes firent le siège de sa demeure. Ils rôdaient sur la route, devant la porte, se faufilaient par toutes les issues de la haie vive qui clôturait le jardin, dévastaient les plates-bandes, arrachant les fleurs, faisant des trous dans les corbeilles, exaspéraient le jardinier. Jour et nuit, c'était un concert de hurlements et des batailles sans fin. Les maîtres trouvaient, jusque dans l'escalier, tantôt de petits roquets à queue empanachée, des chiens jaunes, rôdeurs de bornes, vivant d'ordures, tantôt des terre-neuves énormes à poils frisés, des caniches moustachues, tous les échantillons de la race aboyante. La chienne que François avait, sans malice, appelée Cocotte, elle méritait son nom, recevait tous ses hommages. Elle produisait avec une fécondité vraiment phénoménale des multitudes de petits chiens de toutes les espèces connues. Tous les 4 mois, le cocher allait à la rivière noyer une 30 d'êtres grouillants qui piaulaient déjà et ressemblaient à des crapauds. Cocotte était maintenant devenue énorme. Autant elle avait été maigre, autant elle était obèse, avec un ventre gonflé sous lequel traînaient toujours ses longues mamelles ballottantes. Elle avait engraissé tout d'un coup, en quelques jours. Elle marchait avec peine, les pattes écartées à la façon des gens trop gros, la gueule ouverte pour souffler, exténuée aussitôt qu'elle s'était promenée 10 minutes. Le cocher François disait d'elle « C'est une bonne bête, pour sûr, mais qu'est ma foi bien déréglée. » Le jardinier se plaignait tous les jours. La cuisinière en fit autant. Elle trouvait des chiens sous son fourneau, sous les chaises, dans la soupente au charbon. Et ils volaient tout ce qui traînait. Le maître ordonna à François de se débarrasser de Cocotte. Le domestique, désespéré, pleura, mais il dut obéir. Il offrit la chienne à tout le monde. Personne n'en voulut. Il essaya de la perdre. Elle revint. Un voyageur de commerce la mit dans le coffre de sa voiture pour la lâcher dans une ville éloignée. La chienne retrouva sa route. Et malgré sa bedaine tombante, sans manger sans doute, en un jour elle fut de retour. Elle rentra tranquillement se coucher dans son écurie. Cette fois le maître se fâcha. Ayant appelé François, lui dit avec colère « Si vous ne me flanquez pas cette bête à l'eau avant demain, je vous fiche à la porte, entendez-vous » L'homme fut atterré. Il adorait Cocotte. Il remonta dans sa chambre, s'assit sur son lit, puis fit sa malle pour partir. Mais il réfléchit qu'une place nouvelle serait impossible à trouver, car personne ne voudrait de lui tant qu'il traînerait sur ses talons cette chienne toujours suivie d'un régiment de chiens. Donc il fallait s'en défaire. Il ne pouvait la placer, il ne pouvait la perdre. La rivière était le seul moyen. Alors il pensa à donner 20 sous à quelqu'un pour accomplir l'exécution. Mais à cette pensée, un chagrin aigu lui vint. Il réfléchit qu'un autre, peut-être, la ferait souffrir, la battrait en route, lui rendrait dur les derniers moments, lui laisserait comprendre qu'on voulait la tuer. Car elle comprenait tout, cette bête. Et il se décida à faire la chose lui-même. Il ne dormit pas. Dès l'aube, il fut debout, et s'emparant d'une forte corde, il alla chercher Cocotte. Elle se leva lentement, se secoua, étira ses membres et vint fêter son maître. Alors il s'assit et, la prenant sur ses genoux, la caressa longtemps, l'embrassa sur le museau. Puis, se levant, il dit « Viens !» Et elle remua la queue, comprenant qu'on allait sortir. Ils gagnèrent la berge et il choisit une place où l'eau semblait profonde. Alors il noua un bout de la corde au cou de la bête et, ramassant une grosse pierre, l'attacha à l'autre bout. Après quoi il saisit la chienne dans ses bras et la baisa furieusement, comme une personne qu'on va quitter. Il la tenait serrée sur sa poitrine, la berçait. Elle se laissait faire, en grognant de satisfaction. 10 fois il voulait la jeter. Chaque fois la force lui manqua. Mais tout à coup il se décida, et de toute sa force, il la lança le plus loin possible. Elle flotta une seconde, se débattant, essayant de nager comme lorsqu'on la baignait, mais la pierre l'entraînait au fond. Elle eut un regard d'angoisse, et sa tête disparut la première, pendant que ses pattes de derrière, sortant de l'eau, s'agitaient encore. Puis quelques bulles d'air apparurent à la surface. François croyait voir sa chienne se tordant dans la vase du fleuve. Il faillit devenir idiot, et pendant un mois, il fut malade, hanté par le souvenir de Cocotte qu'il entendait aboyer sans cesse. Il l'avait noyée vers la fin d'avril. Il ne reprit sa tranquillité que longtemps après. Enfin, il n'y pensait plus guère, quand, vers le milieu de juin, ses maîtres partirent et l'emmenèrent aux environs de Rouen, où ils allaient passer l'été. Un matin, comme il faisait très chaud, François sortit pour se baigner dans la Seine. Au moment d'entrer dans l'eau, une odeur nauséabonde le fit regarder autour de lui, et il aperçut dans les roseaux une charogne, un corps de chien en putréfaction. Il s'approcha, surpris par la couleur du poil. Une corde pourrie serrait encore son cou. C'était sa chienne, Cocotte, portée par le courant à 60 lieues de Paris. Il restait debout, avec de l'eau jusqu'aux genoux, effaré, bouleversé comme devant un miracle, en face d'une apparition vengeresse. Il se rhabilla tout de suite et, pris d'une peur folle, se mit à marcher au hasard devant lui, la tête perdue. Il erra tout le jour ainsi. Et le soir venu, demanda sa route qu'il ne retrouvait pas. Jamais depuis il n'a osé toucher un chien. Cette histoire n'a qu'un mérite. Elle est vraie, entièrement vraie. Sans la rencontre étrange du chien mort, au bout de 6 semaines et à 60 lieues plus loin, je ne l'eusse point remarqué, sans doute. Car combien en voit-on tous les jours de ces pauvres bêtes sans abri ? Si le projet de la société protectrice des animaux réussit, nous rencontrerons peut-être moins de ces cadavres à quatre pattes échoués sur les berges du fleuve. Thank you.